contre le kidnapping collectif de nos citoyennes par les autorités sud-coréennes, le Comité Suisse-Corée et le Cercle d'études des étudiants de Suisse ont publié une déclaration commune, alors que l'Association des jeunes d'Addis Abeba d'Éthiopie, une déclaration.